Ça va prendre une mèche avant que je te fasse la façon. Prendre une mèche pour oublier cet affront. J'aurais pu te donner le bon Dieu sans confession. Ça va prendre une mèche de lampion. Je te faisais confiance, t'étais plus qu'une amie. Par la confidence faite sur ma vie. Et voilà, tous deux, vous m'avez trahi. J'ai le feu que Paul garantit. Ça va prendre une mèche avant que je fasse la façon. Prendre une mèche pour oublier cet affront. J'aurais pu te donner le bon Dieu sans confession. Ça va prendre une mèche de lampion. T'es pas gêné pour aller tout partout. Tu t'es montré bien pendu à son cou. T'aurais pu penser qu'un jour je saurais tout. C'est fini la belle entre nous. Ça va prendre une mèche avant que je fasse la façon. Prendre une mèche pour oublier cet affront. J'aurais pu donner le bon Dieu sans confession. Ça va prendre une mèche de lampion. J'ai eu ma leçon. Vous avez tous deux ébranlé mes convictions. J'aurais dû me rappeler ce que les souris font quand le chat n'est plus dans la maison. Ça va prendre une mèche avant que je fasse la façon. Prendre une mèche pour oublier cet affront. J'aurais pu donner le bon Dieu sans confession. Ça va prendre une mèche de lampion. J'ai le feu que fort attention.